nous emmène loin de la présent. Que dire de cet amour qui se distille dans mes veines, ce parfum de verveine, de rayon, mon mêlé. Grandiose cet amour, aussi suprême atout, tous ces cœurs d'erreur.